Voici votre bulletin régional. Patrick Normand se produira à la salle Guy Veilleux de Courchire le 13 février. À Istinguis, le 13 février, soirée Saint-Valentin, tenue rouge, du Club Amitié, à la salle Notre-Dame-de-la-Garde. Le 14 février, une fête de l'amitié est organisée par les membres de la FADOC, les Montagnards de Dodgewell. Plus d'informations auprès de Gaétan ou Marcel. Plaisir d'hiver à Courchire. Rendez-vous au chalet des patineurs le 14 février. À l'horaire, jeux de glisse, activités familiales, tournoi de hockey amical, cantine sur place. Pour plus d'informations, 819-875-5681.